Il ne reste plus que les monstres. Le transport blindé filait à toute allure à travers les rues de la pointe. À bord, 12 agents de la HOPE-SEC se préparaient à l'assaut. Une dizaine d'autres véhicules, comme celui-ci, convergeaient. Une petite armée. Dans le siège passager avant, Amélie chargeait son FM-2000 machinalement. La crosse de la mitraillette la réconfortait. Dans sa visière, le HUD Dernier Cri envoyait des mises à jour instantanées en petites lettres rouges. Mais Amélie y portait peu d'attention. Par la fenêtre du camion, elle comptait les drapeaux noirs qui flottaient à travers le ciel pourpre, accrochés à des balcons, pendus par des fenêtres. 34, jusque-là. Il n'y était pas le mois précédent, lors de la chute du Behemoth, de l'autre côté du canal Lachine. Alors c'était vrai, l'infection se propageait, les pauvres s'armaient. « On est arrivé !» annonça le conducteur, freinant devant le grillage rouillé d'un terrain industriel désaffecté. Amélie ressentit les premières trépidations dès que ses bottes foulèrent le pavé. Elle était fin prête à remplir sa mission, à faire ses preuves une fois pour toutes. Au loin, des chiens aboyaient. Ici et là, une fenêtre illuminée révélait le visage d'un parent apeuré, d'un enfant curieux. Le calme était inquiétant. La pointe était telle une bête qui scrute l'intrus dans sa tanière. Suffisait de ne pas détourner les yeux et de frapper en premier. Mais des coups de feu tirèrent Amélie de sa rêverie, retentissant subitement dans l'air nocturne. Puis, à l'horizon, les hélicoptères approchaient à vive allure. Tout cela trop tôt, beaucoup trop tôt. Amélie porta alors attention aux signaux de son HUD, vit que les premières unités s'étaient déjà engagées dans le repère, sans son autorisation. « Qui a ordonné la charge ?» jappa-t-elle, ses paroles répétées aux 300 agents sous son commandement. « Au rapport !» Tandis que les nouveaux arrivés couraient devant, dans tous les sens, bottes sourdes sur la terre battue, viseur laser éblouissant dans la nuit, un des agents déjà présents sur le site s'avança vers Amélie. Elle l'apostropha violemment. « Soldat !» cria-t-elle. « Pourquoi avez-vous chargé sans mon autorisation? Avez-vous une idée de la difficulté que nous avons eue à retracer cette cellule ?» L'homme bredouilla. « Une sentinelle nous a découvert avant que nous soyons en position. Officière, nous avons dû foncer. »« Maudit loser !» maugréa Amélie en le poussant. « Dégage !» Et elle balaya l'agent de l'épaule pour passer au-delà, franchir le grillage rouillé, pénétrer sur le terrain industriel, s'engager vers l'usine désaffectée. « Toutes les unités, go !» ordonna Amélie en courant. « Faites le ménage. Vous menottez tout ce qui bouge. Je veux des prisonniers. Je répète, go, go !» Sa propre unité la rattrapa au pas de course, déployée en formation sur ses flancs. Si un seul de ces hommes remarqua qu'Amélie boitait, il n'en dit pas mot. Elle fonçait droit devant, défiant tout protocole, toute manœuvre d'approche, négligeant son propre entraînement avec l'hybris fracassante du devoir. Sa visière offrait un HUD perfectionné, une réalité augmentée, des lignes géométriques se superposaient dans son champ de vision, des données géospatiales et bien d'autres informations supplémentaires. Le FM-2000 restait collé contre sa poitrine, la sûreté désactivée, son index ganté fermement posé sur la gâchette. Chaque pas tirait sur ses points de suture, chauffait ses éraflures. Elle savourait la douleur. C'était réel. Tout cela était réel. « Ils sont à moi », pensa-t-elle. D'un seul bond, elle sauta par-dessus une fosse, gagna l'entrée de service de l'usine, l'escalier de béton. Les coups de feu venaient d'en haut, des rafales aiguës et distinctes d'AK. Deux par deux, Amélie gravit les escaliers, talonnée de près par le reste de son unité. C'était au deuxième étage qu'elle tomba sur le massacre. Une demi-douzaine d'agents éventrés sur le sol de béton, comme des poupées. La moitié d'entre eux beuglant dans leur sang. Quatre survivants étaient positionnés le long de colonnes. Elle rejoint le premier. « On l'a cerné !» lui dit ce dernier. « Juste là, barricadée dans la pièce du fond. Elle est blessée. Juste une question de temps. Les tireurs se positionnent sur les édifices adjacents. »« Trop long !» s'opposa Amélie. « On fonce ! Maintenant !» Tel un berserk, elle jaillit de derrière la colonne et s'engagea à travers l'étage. Sans poser de questions, les membres de son unité lui emboîtèrent le pas, volant à ses côtés, enjambant les dépouilles agonisantes sur le béton. L'instant d'une seconde, un reflet blanchâtre, pâle comme l'ivoire, luit à l'autre bout de l'étage, depuis l'embrasure de la porte. Un masque de porcelaine. Un hurlement. Un AK équipé d'un chargeur à tambour. Le flash du museau, une gerbe de feu illuminant la vieille usine. Lorsque la pluie de plomb s'abattit sur son unité, Amélie bondit de justesse derrière une autre colonne. L'AK résonnait de son écho métallique quand l'officière vit ses agents courir pour se réfugier, trébucher, tomber sous les feux. Bien à l'abri, elle les vit balayer, lever de terre, tordu et emporté salve après salve, des perles de sang en stase dans l'air poussiéreux. Lorsque la dernière gerbe fusa enfin, Amélie bondit de côté, tira à l'aveuglette, courut à toute vitesse. Trois battements de cœur et elle s'écrasait contre la porte fendue, la fracassant de tout son poids, faisant éruption dans la pièce, aperçut le petit réchaud, le matelas souillé, une pile de vêtements dans un coin, un pot de chambre. Le masque blanc. La forcenée bondit droit sur Amélie. Elle avait un mohawk vert, ne portait qu'une camisole usée à la corde, des pantalons trop grands. Son râlement de rage contrastait pourtant avec les traits de la porcelaine du masque. Neutre, impassible, les recoins craquelés par l'âge. D'une main toute frêle, la forcenée maniait une lame démesurée, tentant d'embrocher Amélie. Conditionnée par l'entraînement militaire, celle-ci para le coup, instinctivement, retournant sitôt un revers de crosse d'une fluidité meurtrière. La femme recula sous la force. Amélie la talonna dans un coin, la désarma sans effort. Quand le couteau Bowie glissa au loin, l'enragée rugit de désespoir, mais ses cris s'effacèrent en plaintes de douleur, en pleurs sourds, alors qu'Amélie frappait inlassablement, l'écrasant du genou, puis, à coups de botte, sans rencontrer d'autres résistances, cosse et chair sous sa semelle. Mais le masque narguait l'officière, ce visage qui encaissait sans grimacer, sans ressentir. C'en était trop. Avec un bon recul, Amélie asséna un violent coup de crosse entre les deux yeux peints. La porcelaine se fendit comme un miroir. Les morceaux s'écroulèrent. Trônant par-dessus la femme battue, ensanglantée, recroquevillée au coin de mur, Amélie recula alors, horrifiée. Tremblante, s'appuyant sur ses paumes, la forcenée releva la tête, dévisagea l'officière d'un sourire démoniaque. Son visage était défiguré, sa bouche, son menton jusqu'à ses narines, couvert d'une hideuse cicatrice en forme de croix et d'une plaie infectée depuis longtemps. Les veines étaient éclatées, les lèvres boursouflées par la putréfaction. Les rebords de chair noircie, chancrée, couverte de pustules. Elle cracha du sang sur les bottes d'Amélie, ricana d'un rire rauque, abominable. « Voyons, grogna-t-elle. Finis ton travail, marionnette. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Se trahit Amélie, décontenancée. Qui te fait ça ? Est-ce que c'était toi dans mon oreille ? Le rire ignoble redoubla, la haine perlant d'un liquide noir, s'écoulant goutte à goutte de ses lèvres infectées. La civilisation, répondit la femme. Quoi ? T'as l'air surprise, marionnette. C'est toi qui es prête à crever pour protéger des psychopathes, des preachers comme celui qui m'a fait ça. Shoot-moi maintenant, là, qu'on en finisse. La femme meurtrie, pointant un doigt tremblant sur son front, l'invitant. Amélie agrippait son FM 2000, déchirée entre l'envie de secourir une victime sans défense et celle de flinguer une terroriste de merde. La haine. « Tu viens de descendre toute mon unité, » bredouilla Amélie, serrant la mâchoire. « Toi et les autres détraqués, vous placez des bombes, vous tirez sur tout ce qui bouge. Faut vous arrêter, vous êtes assoiffée de sang. » Et la forcenée rit de plus belle, s'étouffant violemment, crachant une nouvelle gerbe viciée. « Ouais, » cria-t-elle. « Ouais, je veux du sang. Je veux la tête de tes patrons, de William Saint-Onge, des banquiers, tous ces hosties de fascistes. Je veux égorger ceux qui tiennent tes ficelles. Et tu veux me tuer à cause de ça? Alors vas-y. Toi et les tiens, vous êtes rien que des pions. Tant que vous resterez dans notre chemin, il n'y aura pas de paix. Mais vous n'avez aucune chance, rétorqua Amélie d'un ton de fer. Fit l'autre femme en grimaçant. Tu penses que ça se termine ce soir? Chérie, ça fait juste commencer, tu m'entends? On sera toujours là quelque part dans votre dos, dans l'ombre quand vous dormez. Vous avez déjà enfermé ou fusillé les meilleurs d'entre nous, ceux et celles qui se montraient au grand jour, avec de grands idéaux, ceux qui avaient encore de l'espoir. Elle dévisagea Amélie d'un rictus béant avant d'ajouter, lèvres luisantes de pus. « Il ne reste plus que les monstres. »